4 bastos dans les vertèbres. Pédale, quelle chance, et les sols chez les pompes funèbres. L'esprit du clan, malgré des traîtres à la résistance, il reste du centimètre entre le ventre et le gland. Les salopes dans une équipe, c'est comme les pansements. Plus vite on les retire, moins ça fait mal, franchement. Mind s'amplifie, il faut que je rectifie le tir. Je vise la tête, mais avant il faut que je sanctifie. Si y'a cash, flouze, monnaie. Règlement de compte à l'arme à feu, petit et gros bonnet. Je suis le foutu personnage. Y'a pas de piste pour le meurtre. De 7 à 77, ici on personnage. À la C, sauteuse, à la C. Faut pas que ça coïncide, donc je mets les gants pour un homicide. Tout sur la sellette, avis aux donneuses et aux traîtres. À qui je souhaite une fin de carrière, du plomb dans le squelette. Il y a au-delà de 550 millions d'armes à feu dans le monde qui sont en circulation. Ce qui fait une arme pour chaque 12 habitants de la planète. La seule question est, comment est-ce qu'on arme les 11 autres? Tous aux pompes automatiques, mitraillettes, et que pleuvent les balles par milliards. Escobar, Maxon, donne du taf aux médecins légistes et aux corbillards. Canal historique, drive-by firme, le rap qui porte le trahir. Je te le répète, Masta, l'enfer n'est rien face à moi si tu m'as trahi. J'ai la rage, ça va sans dire. Dans mon crâne, la sentie, ces fils de pute m'ont coupé la main et me demandaient d'applaudir. Mon flingue, mon pays comme un chien. Masta Kebana Massa, si ça sonne pas autrichien, bordel. C'est pas une expédition succincte, on pète les enceintes. Mets tir en l'air si tu sais compter jusqu'à. Tu me tends la perche, je te tends la corde. Drive-by ferme, y'a trop de sang dans nos prêches, je vous l'accorde. Où t'es avec nous, tu vas sucer comme un Céveda. J'efface le tableau, gratte au marqueur, pas au Véleda. Le crépus, sale crapule au crépuscule. Entends le cri du crépitement du gun, c'est moi et mon groupuscule. Je viens reprendre mon dieu dans le rap et la street. Tu sors quand c'est toujours la même question posée dans mon district. Joue pas dans mon préau. Pistolet sur la tente, c'est comme un combiné avec une ligne directe pour le très haut. Le nouvel Uzi, une machine splendide, beaucoup de puissance dans un petit emballage. Rien ne remplace les 15 cm de pure énergie du canon d'un 357 Magnum. Et bien sûr, il ne s'enraye jamais. Tous aux pompes automatiques, mitraillettes, et que pleuvent les balles par milliards. Escobar, Maxon, donne du taf aux médecins légistes et aux corbillards. Canal historique. Drive-by firme, le rap qui porte le trahi. Je te le répète, Masta, l'enfer n'est rien face à moi si tu m'as trahi. Des requins, pas de gentils poissons, les poissons c'est pas grave. Y'a que des requins prêts à te bouffer. C'est comme ça, c'est sérieux ici, très sérieux. Un faux pas était mort.